Exercice 8, page 23. A. Le musée d'Orsay. B. Le Sacré-Cœur. C. Le Moulin Rouge. D. Le Pont Neuf. E. Notre-Dame de Paris. F. Le Jardin des Plantes. G. La Place de la Concorde. H. L'Opéra Garnier. I. Le Panthéon.